Et des feuilles mortes, et des feuilles mortes, et des feuilles mortes qui durent folles, et des qui durent folles. Des feuilles mortes. Sur cette litière, des feuilles mortes, et des feuilles mortes, et des feuilles mortes, et qui tournent, et qui tournent, et qui durent folles. Et des pendants, et des enfants qui durent folles, qui durent folles, et qui durent folles. Oh, des enfants qui jouent avec des feuilles mortes. Et pourquoi jouer avec cette feuille morte? Et il court trop vite, il va tomber. Cet enfant, cet enfant, cet enfant. Et alors il joue avec des feuilles mortes. Il se balance des feuilles mortes comme si c'était de la neige. Et si les feuilles sont des feuilles mortes, et il se suit du jus noir. Du jus noir, mal de ces feuilles mortes. Et ces feuilles mortes qui amortissent les chutes. Des enfants, des enfants en dehors. Ah, mais des enfants et des feuilles mortes, et des feuilles mortes qui durent folles, des feuilles mortes. Et ces enfants qui en prennent d'autres, des plus petits, et qui nous font manger, des feuilles mortes, des feuilles mortes, et des petits qui serrent les dents. Et la gentille, toujours imprégnée, des secoues acres, des feuilles mortes, des feuilles mortes, et des feuilles mortes. Faire manger des feuilles mortes, toujours, toujours cette scène dans sa tête, le pauvre, le pauvre, le pauvre. Toujours cette scène dans sa tête, encore maintenant, 25 ans, encore maintenant, 25 ans, il se rappelle de ce couvre-acre de feuilles mortes, des feuilles mortes que ses camarades qui couraient en farandole, et ses feuilles qui virevolent, qui virevolent, qui virevolent, ses feuilles mouillées, noir, noir, noir, c'est mort, c'est mort, c'est mort, c'est mort.